À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, le comité préparatoire du Congo démocratique pour la célébration de la journée du soleil a fait paraître le bulletin titré « Kim Il-sung, grand homme du siècle ». L'auteur écrit notamment « Le président Kim Il-sung qui a fondé les États du Jutsé peut ainsi éclairer la voie à suivre par les peuples progressistes, est le pionnier et le guide de l'époque d'indépendance. De toute sa vie, il a conduit l'œuvre d'émancipation de l'humanité sous la bannière de l'indépendance anti-impérialiste et il est vétéran distingué des milieux politiques mondiaux. Il est saint sans pareil qui a ému le monde par sa noble humanité et sa vertu. Même les hommes politiques des pays hostiles avaient reconnu ses nobles qualités morales.